On va se parler de la Ligue canadienne de football avec notre collaborateur Pascal Masson. On va parler plus du football québécois aujourd'hui parce qu'il n'y a plus grand-chose à dire chez les Alouettes de Montréal. Salut Pascal. Salut Dan. Pascal, on va se parler de suite à l'article de Charles-Antoine Sinotte sur le site de TVA Sports où il parle d'un joyau québécois comme carrière, Jonathan Sénégal. Sénégal, on dit que c'est un très très gros prospect et toi, tu œuvres dans le football collégial québécois. Le dernier carrière qui moi je me rappelle, c'était Luc Tousignan qui a joué avec les Alouettes. À quand un carrière québécois dans la Ligue canadienne de football? Ben écoute, c'est sûr que c'est une bonne question. Puis moi, le dernier carrière québécois qui a passé proche de carrière dans la Ligue canadienne, parce que on sait, Marc-Olivier Brouillette, ancien carrière des Carabins, a œuvré dans la Ligue canadienne, mais comme demi-défensif. Ouais. C'est Mathieu Bertrand. Mathieu Bertrand avait été repêché en 2002 par les Alouettes de Montréal comme carrière. Il avait fait le camp des Alouettes et les Alouettes voulaient le garder comme carrière sur l'équipe de pratique. Pendant Mathieu avait décidé de venir faire sa dernière année universitaire en 2003. Et suite à cette saison-là, il n'était pas certain là, de son futur. Donc, il n'avait pas pris son année d'option avec les Alouettes, qui voulaient leur signer comme carrière encore. Et en tout cas, suite à tout ça, finalement, avec Danny Machocha, il s'est retrouvé à Edmonton, qui l'a transformé au début en receveur et ensuite en centre arrière. Et a connu la saison, pas la saison, mais la carrière, en fait, qu'on lui connaît aujourd'hui là, dans les Canadiennes, un des meilleurs centres arrière. Donc, tout qu'un athlète, mais il avait passé très près là, de jouer carrière et aurait probablement pu, bon, de là à être partant, là, ça c'est un autre, autre paire de manches, parce qu'on a eu beaucoup de carrières canadiennes. Ben, beaucoup, on s'entend, là, on en a eu quelques-uns. Certains de ces carrières-là ont œuvré au niveau universitaire. Américains dans la NCAA. Ouais. Et certains proviennent du CIS, la Ligue universitaire canadienne. Mm. La bémol, le problème que je vois au niveau québécois, c'est qu'on joue jusqu'au niveau collégial un football hybride. Donc, on joue un football à 4 essais sur un terrain canadien avec nos joueurs. Tandis que dans les autres provinces, eux, les plus jeunes, jusqu'à niveau universitaire, jouent 3 essais. Moi, je pense que ça favorise le développement des corps arrière. Pourquoi qu'on n'uniformise pas tout ça, Pascal? Ben, c'est ça. Nous, on fait partie d'un réseau, hein, le RSEQ. Et c'est les membres du réseau, en majorité, qui doivent... La proposition doit venir d'un des membres, et ensuite, c'est voté par les membres, et ça doit être la majorité qui l'emporte. Et je me souviens, dans le passé, ça a déjà été soulevé, et ça avait été refusé par la majorité des membres. Donc, la raison pourquoi le monde, les gens qui votent contre ça, je pourrais pas vous le dire là exactement parce que je crois que chaque programme a leur propre vision là-dessus. Moi, je fais partie des personnes qui prônent l'implantation d'un football à 3 essais. C'est notre football, c'est le football canadien. C'est sur ces bases-là que... qu'on a la possibilité de jouer au niveau universitaire et ensuite au niveau professionnel. Et ça n'empêche pas les jeunes carrières de pouvoir avoir une chance de jouer aux États-Unis et même au contraire, parce que la plupart des carrières canadiennes proviennent des autres provinces et non du Québec. Ouais. Donc ça nous permettrait, d'après moi, de développer plus de talent au niveau carrière. Oui, ça serait peut-être plus... compliqué à avoir des offensives au début, tu sais, des jeunes carrières, mais ça serait une façon de s'adapter au football. Mais de toute façon, ça c'est une autre discussion, mais pour venir à Jonathan Sénégal, pour ceux qui suivent le football québécois de façon intensive, connaissent le jeune homme depuis plusieurs années. C'est un jeune homme qui a fait partie des Coupes Spalding, des Teams Québec, des équipes canadiennes, a gagné pratiquement tout à tout ce qui a touché. Au niveau juvénile, a remporté plusieurs bols d'or. C'est un carrière d'exception, effectivement. ce jeune homme-là. Et il est seulement à son année recrue en ce moment au niveau collégial division 1. A battu le record pour le nombre de passes dans une saison. Okay. Et il est déjà là dans le peloton du top 3 pour le nombre de verges totales dans une saison. Donc, il est vraiment là exceptionnel. Et c'est intéressant, par exemple, au niveau collégial division 1 cette année, on a un carrière qui est reçu, qui est en train de battre des records. On a un porteur de ballon du côté de Louis-Lauzon, Joannick Mars, qui est à la quête de battre le record pour le nombre de verges dans une saison, un record qui date de 98, Jean-Michel Paquette. Okay. Et Vincent Faulx, un receveur du CNDF, qui a battu le record pour le nombre de verges en carrière. Donc, des talents assez le fun là, au Québec. Mais Sénégal, la Côte Sénégal, il va arriver quoi? Là? Est-ce qu'on va le voir dans la NCAA? Est-ce qu'il y a des équipes de première division de la NCAA qui vont tenter de l'approcher? Des Jonathan Sénégal, c'est super, là, mais il n'y en a plus aux États-Unis. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir quand même où ça va être dans le football universitaire? Ben écoute, là, je suis déchiré parce que moi, j'aimerais bien ça le voir au niveau du football universitaire canadien. J'aimerais ça voir nos produits québécois rester au Québec et venir performer. À chaque année, on a des joueurs. On a vu Anthony Auclair là, de Neuf Laval qui est rendu avec Tampa Bay. Il y a un chemin qui existe pour se rendre jusque dans la NFL, mais certainement pour se rendre dans la CFL. Donc, c'est ça, j'aimerais ça. Voir ce jeune homme-là rester au Québec, jouer au universitaire canadien. Mais mon feeling personnel, c'est qu'effectivement, il va y avoir une équipe américaine qui va s'intéresser à lui et peut-être plus rapidement qu'on le croit. Là. OK. Ah, c'est quand même bon signe. Donc, Jonathan Sénégal, un nom à retenir. Allez, je veux te parler de... Non, c'est un carrière aussi avec des qualités multiples. Il est très athlète, il est capable de courir, puis il a un bras incroyable. Donc, tu sais, un nom à retenir. Son gabarit ressemble à quoi? Parce que c'est au football américain. C'est un SPI 1, 190 livres. C'est peut-être okay. Son petit côté, son petit downside, là, un peu, là, mais. Peut-être pas. Pas le seul, là. OK. Je veux te parler de l'entrevue que j'ai réalisée hier avec Gabriel Grégoire sur l'édition 1977. Ça fait 40 ans que les Alouettes ont remporté cette classique-là. C'est pas vraiment... Pascal, dans l'histoire des Alouettes, c'est pas vraiment... Il y en a eu des Coupes Grey, là. Pas rien que 77. Tu peux parler de 2002, mais cette édition-là, elle est plus magique que d'autres. En raison, c'était l'année du Stade Olympique. Il y avait eu 70 000, si je me rappelle bien, personnes au Stade Olympique. Il faisait froid. Je pense qu'on appelle ça le Ice Bowl, quelque chose de même. C'était quelque chose de magique, cette édition-là. Plus que les autres conquêtes de la Coupe Grey. Et surtout, moi, tu comprendrais qu'en 77, j'avais moins 2 ans. Moins 2 ans, oui. J'ai pas pu le vivre, mais ça prend pas beaucoup de recherche pour remarquer que l'édition 77, défensivement, c'était incroyable. Je parlais avec Claude Mayotte, qui est un de mes partenaires de travail à RDS, avec qui je travaille souvent les dimanches. Et Claude est un encyclopédie du sport en général, mais du football. Il me comptait à quel point 77 avait des joueurs. Il dit que c'était pratiquement une défensive toute étoile dans la même équipe. Ouais. Donc, effectivement, on le sent quand les gens ont connu cette équipe-là. Ça semble être quelque chose de vraiment spécial et de vraiment magique, cette édition-là. Oui, effectivement. Puis c'était, les Alouettes puis les Eskimos dans ce temps-là. En terminant, les Alouettes, pas grand-chose à dire. Il reste deux matchs que l'année finisse au plus sacré. Je lisais un article très intéressant de gars sur RDS hier. C'est pas nécessairement les journalistes les plus connus qui sont les plus intéressants. Il y en a un qui a écrit un long texte sur la carrière du futur des Alouettes. Et là, il a fait toutes sortes d'hypothèses. C'est sûr que ça fait gérant d'estrade un peu. Mais tu te rends compte que dans le fond, là, il n'y en a pas beaucoup. Hein, on parle de carrière, mais dans les Canadiennes, là, c'est vraiment une denrée rare. Je regarde ça, là, le nom qui revient le plus souvent, c'est Zach Collaros à Hamilton, qui pourrait être intéressant. Mais le gars en question disait Matthew Shields, il faut lui donner une chance. Puis j'ai bien aimé contre les Tiger Cats. Il faisait avancer le ballon, puis c'est sûr que les Tigers avaient peut-être levé le pied. Mais pour les deux prochains matchs, j'aimerais ça voir qu'est-ce qu'il y a dans le ventre. Ben, c'est un peu là que je suis. On peut-tu le mettre sur le terrain tout de suite en partant? Ouais. Là? On peut-tu lui donner les rênes là pour les matchs qui restent, puis voir ce qu'il y a dans le ventre? Et non lui donner le ballon quand le match est entamé, puis le momentum est parti d'un bord. De voir comment il est capable de prendre une attaque et de créer une certaine vitesse avec cette unité-là. Moi, c'est ça que j'aimerais voir du côté des Alouettes. Malheureusement, bon, ben, on semble pas avoir la même philosophie de leur côté. Effectivement, il a donné du temps à notre terrain, puis qu'est-ce qu'on a vu? C'était vraiment le fun. Mais c'est différent de rentrer dans un match comme carrière quand tout était commencé que quand tu bâtis du début. Hein? Tu sais, quand tu rentres, tu fais ta première passe, tu fais ta deuxième passe. Est-ce qu'ils sont complétés, sont incomplètes? Si ça va pas bien au début, comment il va se relever de ça? Mm. Si ça va bien, est-ce qu'il est capable de garder ce momentum-là? C'est ce qu'il faut voir avec c'est ce qu'il faut voir avec un carrière. On est à la recherche d'un carrière, là. Ouais. Il est peut-être dans notre équipe. Ben, donnez-nous la chance de se prouver, en tout cas. Regardes la situation de Brendan Bridge en Saskatchewan, démontre quelque part qu'on a peut-être pas été patient. Là. On a du temps là, à voir. Puis c'est un gars qui vient de Butler. Si je me rappelle bien, Butler, c'est une université où est-ce que les notes académiques, faut être très intelligent pour être là. Donc, c'est un homme sûrement brillant parce que c'est pas n'importe qui étudie à Butler. Mais c'est ça. Puis tu sais, peut-être qu'il connaît son cahier de jeu, mais entre le connaître et l'exécuter, c'est une chose, mais on peut-tu nous laisser la chance de nous montrer s'il est capable de l'exécuter, ce qu'il sait, là. Effectivement. Pascal, on se reparle vendredi prochain. OK, parfait. Commentaire de Pascal Masson.